Bonjour ou bonsoir. Voici un texte de Julien Salang qu'il a publié sur son blog le 2 mai 2017. Le blog, c'est résisteràlairdutemps.blogspot.fr. Il y aura le lien dans la description de cet audio. Et je vous invite à aller le voir parce qu'il contient de nombreuses références. Voici donc ce texte. Ce n'est pas tant Le Pen qui s'est normalisé que le normal qui s'est lepénisé. Banalisation, normalisation, dédiabolisation. Nombreux sont les termes employés pour décrire la trajectoire du FN depuis que Marine Le Pen a succédé à son père. Quel que soit le mot choisi, la thèse est à peu près la même. Au cours des 10 dernières années, le FN aurait adopté une stratégie de conquête du pouvoir, passant par une normalisation de son image en rupture avec l'héritage du vieux FN de Jean-Marie Le Pen. Mon intention ici n'est pas de discuter de la pertinence de cette thèse, ni des débats qu'elle suscite, mais plutôt d'évoquer l'un des points aveugles de cette approche. À trop se focaliser sur la volonté lepéniste de se normaliser, on en oublie à quel point dans le même temps, et en réalité depuis beaucoup plus longtemps, c'est le normal qui s'est lepénisé. Lepénisation des esprits. Le phénomène n'est pas nouveau. Dès le 2 mai 2002, un texte collectif publié dans Le Monde sonnait l'alarme. Le plus choquant et le plus effrayant fut d'entendre le soir même du 21 avril 2002 le discours sécuritaire répété par presque tous les ténors des grands partis. Faire de l'insécurité, qui est un très grave symptôme, le problème quasi unique de la France contemporaine, c'est faire le jeu de l'extrême droite et d'une dérive autoritaire à venir. En 2002 également, Sylvie Tissot et Pierre Thévagnan signaient un remarquable dictionnaire de la lepénisation des esprits dans lequel était notamment analysé la politisation à partir de la fin des années 80, de la question de l'immigration et la focalisation des débats politiques autour du problème de l'immigration et la montée en force, dans la seconde moitié des années 90, des discours sécuritaires centrés sur les jeunes des classes populaires. Une banalisation du FN, en somme, du fait de l'adoption de ces thèmes favoris par de plus en plus de responsables politiques, d'intellectuels et d'éditorialistes, et non en raison d'une quelconque stratégie volontariste de dédiabolisation venue du parti d'extrême droite. Un phénomène qui permettait à Jean-Marie Le Pen de répéter à l'envi que, tôt ou tard, les électeurs et électrices préféreraient l'original à la copie. Des paroles et des actes. Depuis 2002, la focalisation sur l'immigration et sur les questions de sécurité n'a non seulement pas cessé, mais elle s'est considérablement aggravée. Et l'on a continué à assister à ce déplacement du discours dominant vers les thèmes favoris de l'extrême droite, avec un basculement progressif que l'on pourrait schématiser ainsi. On a commencé par dire que le FN posait de bonnes questions, mais apportait de mauvaises réponses. Puis on a dit que le FN posait de bonnes questions, mais que toutes ses réponses n'étaient pas bonnes. Et enfin, on a dit que le FN posait de bonnes questions et apportait beaucoup de bonnes réponses, mais qu'il n'avait pas la capacité à les mettre en œuvre, contrairement à nous, gens responsables. C'est ainsi que, de la loi anti-voile de 2004 aux expulsions des camps roms, de la création d'un ministère de l'identité nationale à la fermeture des frontières aux migrants et migrantes, de la mise en place de l'état d'urgence, devenu un état d'exception permanent, au renforcement des conditions de légitime défense pour la police, des arrêtés anti-Burkini au développement exponentiel de la vidéosurveillance, de l'armement de la police municipale à la déchéance de la nationalité, etc. Les paroles sont devenues de plus en plus souvent des actes et la politique du FN a progressivement été appliquée. Dans le même temps, fort logiquement, la normalisation s'effectuait sur le plan intellectuel et médiatique, avec un Éric Zemmour de plus en plus omniprésent sur les antennes, un Yvan Rioufol consacré éditorialiste par ses pairs. Un Valeur Actuelle considéré comme un hebdomadaire radical mais respectable. Un Alain Finkielkraut récompensé par l'Académie française pour ses obsessions identitaires. La médiatisation toujours plus forte des experts antiterroristes ayant fait leurs armes à l'extrême droite. Et peu de voix pour dire que tout cela n'était pas normal. L'immigration, l'insécurité et le reste. C'est ainsi que le mainstream s'est modifié, que la frontière entre l'acceptable et l'inacceptable s'est déplacée, que nous avons été petit à petit accoutumés à une nouvelle normalité. Bref, c'est ainsi que le normal s'est progressivement lepénisé. Et l'on s'épargnera de faire ici la liste des outrances racistes, islamophobes et plus globalement réactionnaires, devenues tellement banales que c'est désormais l'antiracisme politique, la lutte contre l'islamophobie ou même les combats féministes qui semblent devoir être dénoncés comme des dérapages. Bien d'autres thèmes et propositions du FN ont été légitimées, en parole et en acte, par les partis républicains et par les médias dominants. La restriction des libertés au nom de la sacro-sainte sécurité, l'interdiction de réunions, de rassemblements et de manifestations au nom de la sécurité de l'État. La défense inconditionnelle de tous les agissements des forces de l'ordre et des campagnes calomnieuses contre celles et ceux qui dénoncent les violences policières. La stigmatisation et le contournement des corps intermédiaires, notamment des syndicats, méprisés par un gouvernement prétendu de gauche. Les anathèmes contre les juges et la dépossession de la justice d'un nombre significatif de ses prérogatives au profit de la police. Loin d'une simple stratégie de normalisation du FN, on a en réalité assisté, et l'on assiste encore, à un processus plus ancien, par lequel la lepénisation des esprits s'est accompagnée d'une lepénisation du réel, qui a elle-même été renforcée par la lepénisation des esprits, laquelle a été renforcée par le caractère normal de la lepénisation du réel, etc. Il fallait dès lors avoir la lucidité légendaire d'un Daniel Cohn-Bendit pour poser, au début de l'année 2017, le diagnostic suivant. Donc là, il y a un an quart. Marine Le Pen a normalisé l'angoisse et la peur. Comme si ce n'étaient pas les politiques et les discours fondés sur l'angoisse et la peur et entretenant l'angoisse et la peur qui avaient normalisé Marine Le Pen et donné au passage du crédit à sa stratégie de normalisation. Il ne s'agit évidemment pas de dire ici que nous vivons déjà dans un état FN, ni de relativiser bien au contraire la menace mortelle que constitue l'extrême droite. Lorsque l'on étudie le programme et les pratiques de Marine Le Pen et de ses sbires, on mesure en effet que le pire est toujours possible. Mais à l'heure où certains continuent de produire des analyses sur la normalisation de Le Pen en ne voyant pas ou en faisant semblant de ne pas voir à quel point le normal a été lepénisé, et surtout à l'heure où certains, parfois les mêmes, qui n'ont rien dit au cours des 15 dernières années, se croient autorisés à donner des leçons d'antiracisme et d'antifascisme à celles et ceux qui, à gauche, hésitent à voter Macron ou ont choisi de ne pas le faire, certaines pendules nécessitent d'être remises à l'heure. Il ne s'agit pas non plus de polémiquer par je ne sais quel goût de la joute verbale ou je ne sais quel sens de l'honneur, mais bien de rappeler que l'antifascisme du dimanche électoral, que l'on ne confond pas ici avec le vote de celles et ceux qui, à gauche, entendent sincèrement faire barrage au FN dans les urnes, est une posture particulièrement malvenue, a fortiori lorsqu'elle est adoptée par ceux qui ont contribué à lepéniser le normal, et donc à normaliser l'extrême droite. Lutter contre la menace fasciste, c'est lutter d'une part contre le FN, ses idées et leur banalisation, et d'autre part contre les politiques grâce auxquelles l'extrême droite se développe. Mais c'est aussi refuser de considérer comme normal une réalité devenue cauchemardesque et se battre, quoi que l'on décide de faire le 7 mai, pour réhabiliter la portée fondamentalement nécessaire et donc réaliste de l'utopie. Voilà, c'était un texte de Julien Salingue qu'il a publié sur son blog résisteràl'airdutemps.blogspot.fr. Et je vous laisse là pour aujourd'hui. À très bientôt. Au revoir.